Exercice 10, page 81. A. C'est une danseuse gracieuse. Transformer. C'est un danseur gracieux. B. C'est une chanteuse chanceuse. Transformer. C'est un chanteur chanceux. C. C'est une coiffeuse joyeuse. Transformer. C'est un coiffeur joyeux. D. C'est une skieuse nerveuse. Transformer. C'est un skieur nerveux. E. C'est une plongeuse sérieuse. Transformer. C'est un plongeur sérieux. F. C'est une serveuse heureuse. Transformer. C'est un serveur heureux.